بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui on rentre entre guillemets dans le vif du sujet, dans l'explication de la risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala, Nawaqid al-Islam, les annulations de l'islam. C'est une risala d'une page dans laquelle il rassemble 10 annulations d'islam. Il dit rahimahullah ta'ala, قال الشيخ أبو علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. Sache que les annulations de l'islam sont au nombre de 10. نواقض الإسلام هي مفسداته ومطلاته التي متى طرأت عليه أفسدته وأحبطت العمل وصار صاحبه من المخلدين في النار والعياذ بالله كالحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها وأبطلها. Les annulations de l'islam, nawaqid, ce sont donc les choses qui rendent l'islam nul. Mubtilato. Lorsque ces annulations ont lieu, l'islam de la personne est annulé. Son acte est annulé et il est internellement en enfer, qu'Allah nous en préserve. Exactement comme les annulations de l'wudu, lorsque la personne est en état de pureté, de tahara, et qu'il fait une des annulations de l'wudu, son wudu est annulé, et on les a vus, son wudu est annulé et il doit le refaire. De même, lorsque ses actes, ses paroles, ses croyances qu'on va citer maintenant rentrent chez une personne ou arrivent chez une personne, son islam est annulé. Il commence à l'islam en disant « «A'lam», », on l'a déjà vu dans l'usul al-salafa, « «sache». ». Il commence toujours par, ou souvent « «sache», », que ce soit dans l'usul al-salafa, dans « «Kashf al-shubuhat» » ou ici dans l'ordre de l'islam. « «A'lam kalimatun yu'ta biha lil umur al-muhimma». » وما ذكره المؤلف هنا حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام. Et sache, il dit sache pourquoi, pour que tu y fasses attention. Car ce qui va suivre, ce que va citer l'auteur, est d'une grande importance. Et on l'a déjà vu. يجب على كل مكلف على كل مكلف تعلمها وليحذر منها وَيَأْمَنَ الْمُقُوعِ فِيهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. Et il est une obligation à la personne qu'il les apprenne, ces annulations de l'islam, et qu'il fasse attention de ne pas y tomber dedans. Hein? Et qu'il ne croit pas que lui, il est exempt de tomber dans ces annulations de l'islam, lui ou un autre. Et on a déjà vu, فَالْمُسْلِمُ قَدْ يَقْعَ فِيهَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. Et le musulman peut tomber dans ces annulations de l'islam, sans en avoir conscience, sans le faire involontairement. Il pense que lui, il est sur l'islam sahih, et en fait, il a annulé son islam. كما هو معلوم من كثير ممن يدعي الاسلام خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه العلم الصحيح النافع وكثر فيه الجهل فلا حول ولا قوه الا بالله. Surtout dans ce temps que nous vivons, qui est un temps d'ignorance. Un temps d'ignorance, malgré tous les moyens de communication et toutes les impressions de livres et les traductions, c'est un temps d'ignorance énorme. Et cette ignorance, on l'a vu, il provoque, on l'a vu dans l'introduction, c'est une des causes qui fait que les gens sont tombés dans le shirk. Qadiman wa hadithan, que ce soit les peuples précédents, comme notre communauté, comme notre époque. Et le cheikh dit, rahimahullah, اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. Et sache que les annulations de l'islam sont au nombre de 10. Qu'est-ce qu'il veut dire par 10? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que 10 choses qui annulent l'islam? Non. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى فإذا علمت هذا فقد ذكر أهل العلم نواقض الإسلام وذكر بعضهم أنها قريب من 400 ناقض ولكن الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره شيخ الإسلام وعلم وعلم الهداة الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام وأنها عشرة في الدرر الثانية المجلد العاشر صفحة 60 و 300. Le Cheikh Souleymane ibn Sahman, parmi les savants du Najd, il a dit, si tu sais cela, sache que les savants de l'islam, les gens de science, nous ont parlé des annulations de l'islam. Et certains en ont compté à peu près 400. Certains ulama, dans certains de leurs livres, ont sorti à peu près 400 choses qui peuvent annuler l'islam. Mais ce sur quoi les savants sont unanimes, alladhi ajma'a alayhi al-ulama, c'est ce qui a été décrit par le cheikh de l'islam, le cheikh Mohammed Abdou Wahab, dans ses 10 annulations de l'islam. Donc, ce qui est, ça c'est dans Dora al-Sania, le volume 10, la page 360. Donc, les 10 annulations qui vont suivre et qu'on va expliquer, Inch'Allah, ce sont hiya mujma'un alayha. Elles font unanimité. Il n'y a pas de divergence sur le fait que ces 10 choses qu'on va citer annulent l'islam. Et il dit aussi à la fin de cette risala, pourquoi il a cité ces 10, il dit wa hadha wa kulluha min a'zim ma yakunu khatra wa akthar ma yakunu wuqu'a. Et il donne deux raisons pour lesquelles il a cité ces 10 annulations d'islam. Le premier, c'est qu'elles sont extrêmement dangereuses. Et le deuxième, c'est qu'elles sont extrêmement répandues. D'ailleurs, ces 10 annulations de l'islam qu'on cite et qu'on étudie, elles sont extrêmement répandues parmi al-mutasibin al-islam, parmi les gens qui se prétendent de l'islam. Naqd al-awwal, première annulation de l'islam, al-shirku fi ibadatillahi ta'ala. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. La première annulation de l'islam, le shirk dans l'adoration d'Allah, l'association dans l'adoration d'Allah. Et Allah le Très-Haut a dit, ce qui signifie, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Ce verset, il est répété. C'est le verset de la sourate 4. Il est répété dans le verset 48 et il est répété dans le verset 116. Ibtada'a rahimahullah ta'ala hadhihi an-naqida al-'ashrata bi-shirki li'annahu a'zamu dhanbin 'usiya Allah bih wa huwa hadmun lir-rububiyyah wa tanaqqusun lil-uluhiyyah wa su'u adh-dhanni bi rabbil 'alamin wa fa huwa abtalu al-batil وأظلم الظلم وأقبح المعاصي لأنه يقتضي تسوية المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. Le Cheikh رحمه الله il a commencé les annulations d'islam par le shirk. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand péché, à l'itlaq. C'est le plus grand des péchés. Ne cherchez pas, imaginez-vous les pires choses, sachez que donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le pire des péchés. Pourquoi? C'est un affront envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers sa seigneurie et envers son adoration, sa uluhiyya. C'est la plus grande des injustices. Et c'est le plus grand mensonge. Et c'est le plus grand des péchés. Pourquoi? Car il met à l'égal Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Khaliq, le Créateur, Al-Kamil, qui est complet dans tous ses attributs, dans tous ses noms, dans tous ses actes, subhana, et il est mis à égalité ce créateur tout-puissant avec le makhlouq al-da'if, al-naqs. Il est mis à égalité avec la créature. N'importe quelle créature que ça soit, et cette créature, elle est au contraire faible et naqs, et pleine de manquements. Comment mettre à l'égal Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin, wa rabbul alamin, avec un homme, aussi puissant qu'il soit sur cette terre, avec pire un arbre, une pierre, un djinn, que sais-je, parce que les gens ils adorent, une tombe. Waliyadu billah. Fashirku huwa musawatu ghayrillahi billah. فيما هو من خصائص الله. Le shirk, par définition, ses maîtres, un autre qu'Allah, à l'égal d'Allah, dans ce qui est une caractéristique d'Allah. Mettre à l'égal un autre qu'Allah avec Allah, dans ce qui est une caractéristique d'Allah. Naam. مساواه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به اي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به. الله ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il ne pardonne pas au serviteur qui le rencontre alors qu'il est mushrik. D'ailleurs, ça, celui-là, il va éternellement en enfer. ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده المسلمين. Et il pardonne quoi que ce soit en dehors de cela, c'est-à-dire parmi les péchés, à qui il veut, c'est-à-dire parmi ses serviteurs les musulmans. Il ne pardonne pas aux kuffar, il ne pardonne pas aux murtaddin, il ne pardonne pas aux munafiqin. Et ensuite le cheikh cite un deuxième verset sur le shirk. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. C'est le verset 72 de sourate Al-Ma'ida. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce qui signifie: certes, celui qui associe Allah, Allah lui a interdit le paradis. Haram Allahu alayhi al-jannah. Le jannah pour lui, il est haram. Wa ma'wahu an-nar. Et son refuge est le feu. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Et les injustes n'auront pas de secours. فبين تعالى انه من يشرك به فيعبد معه غيره كائنا من كان لان العباده حقه تعالى ولا تنبغي الا له وحده لا شريك له فقد حرم الله عليه الجنه. Allah nous a explicité dans ce verset le très haut que celui qui associe à lui, qui adore un autre que lui, c'est ça le shirk. Le shirk fil ibada wa ibadatu ghayr. Le shirk dans l'adoration, c'est adorer un autre que lui. Et et on a vu dans l'usul al-thalatha, à chaque fois c'est des révisions. C'est ça l'intérêt d'étudier l'ilm bit-tadarruj, de commencer par l'usul al-thalatha, puis naqd de l'islam, puis kitab al-tawhid, etc. avec al-shubuhat entre les deux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, et là on va le voir, je vais vous citer, on va réviser. Là on a étudié l'ibada. C'est quoi l'ibada? On l'a vu l'ibada. On a vu les définitions de Cheikh l'Islam Taymiyyah, définition de l'Hafidh ibn Kathir, toutes les définitions qu'il a citées dans le livre Fath al-Majid et d'autres. Et on a vu que le Cheikh Mohamed Abdourahab dans le Sourate Thalatha, il nous a expliqué ce que c'était l'ibada en détail. L'ibadat du cœur, al-mahabba, al-tawakkul, al-raja, l'amour d'Allah, le fait de placer sa confiance en Allah, le fait d'espérer Allah subhanahu wa ta'ala. Les ibadatul lisan ou l'ibadat al-qawliya, les adorations de la langue, comme le dua, l'istighatha, l'isti'ana, l'isti'adha, toutes les sortes d'invocations, demander la protection d'Allah, demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu l'ibadat, l'ibadat al-amaliya, les adorations des membres, comme par exemple le sujoud, le ruku', le dhabh, le fait de se prosterner, de s'incliner devant Allah, le qiyam même dans la salat, le fait de sacrifier pour Allah, le dhabh, on va le voir, le tahakum, le fait de demander le jugement, tout ça c'est des adorations. Et le shaykh dit, « وَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافَ » dit le shaykh Muhammad, celui qui donne une de ses adorations à notre qu'Allah, il est un mushrik kafir. On a vu toutes ces choses-là. Que l'homme il avait été créé pour l'ibada, etc., etc. Et le shaykh donne un exemple ici. Il dit, après avoir cité ces deux versets, « وَمِنْهُ أَذَّبْحُ لِغَيْلِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنْ أَوْ لِلْقَبْرِ » ومن الشرك في عبادة الله تعالى الذبح لغيره تعالى كما يذبح للجن أو للقبر. Il explique, il donne un exemple après. Il dit, parmi ce shirk dans l'adoration, il donne un exemple, il dit quoi? Le fait de sacrifier un ذبح pour un autre qu'Allah. comme ceux qui sacrifient pour les djinns ou ceux qui sacrifient pour les tombes. Pourquoi il a cité ça en particulier? Ils ont dit, les commentateurs de Nawaqid, وإنما خص الشيخ الذبح بالذكر هنا لوجود ذلك في زمانه بكثرة فنبه عليه للتحذير منه وكذلك في زماننا هذا من كثير من يدعي الإسلام بل إنه وجد من بعض الجهلة ما يذبح للجن عند السكن المنزل ونحو ذلك وهذا شرك أكبر وفاعله خارج عن الإسلام داخل في دائرة الكفر والضلال Le cheikh, pourquoi il a parlé ici du sacrifice pour un autre qu'Allah? Du fait que c'était extrêmement répandu à son époque. Et c'est même extrêmement répandu à notre époque. Les gens, ils sacrifient pour les tombes, et ils sacrifient pour les djinns lorsqu'ils prennent une nouvelle maison. Lorsqu'ils arrivent dans une nouvelle maison, ils sacrifient avant de rentrer dans la maison. Et ça, ils sacrifient pourquoi? Ils font une offrande aux djinns, pour qu'ils ne les attaquent pas dans cette nouvelle maison. Celui qui fait ça, il a annulé son islam. Celui qui fait ça, il a annulé son islam, car c'est du shirk akbar, du shirk majeur. Hein? Et il sort de l'islam, et il rentre dans le kufr, et Abdallah. Ça, c'était une des pratiques des gens de la jahiliya. Une pratique de la jahiliya. Et c'est une des pratiques de Ubbad al-Qubur, des adorateurs de tombes à notre époque, c'est une pratique de Sahara aussi. Et certains, ils ont une ruse, comme il a expliqué à Sam'ani, ils ont une ruse. Cette ruse, c'est de dire, on sacrifie, peut-être on sacrifie près des tombes et tout, mais c'est pour Allah. Sam'ani, il leur répond, c'est un imam du Yémen, de l'époque un peu postérieure au Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, c'est-à-dire c'est pas très éloigné. Et qui a écrit un petit livre sur le tawhid qui s'appelle Tathir al-I'tiqad, la purification de la croyance. Il dit, Sam'ani, فَإِنْ قَالَ إِنَّمَا نَحَرْتُ لِلَّهِ وَذَكَرْتُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلْ لَهِ إِنْ كَانَ النَّحْرُ لِلَّهِ فَلِأَيِّ شَيْءٍ قَرَّبْتَ مَا نَتَنْحَرُهُ مِنْ بَابِ مَشْهَدٍ مَنْ تُفَضِّلُهُ وَتَعْتَقِدُ فِيهِ هَلْ أَرَدْتَ بِذَلِكَ تَعْظِيمَهُ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُلْ لَهُ هَذِهِ النَّحْرُ لِغَيْرِ اللَّهِ بل أشركت مع الله تعالى غيره وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا ولا أردت إلا الأول ولا خرجت من بيتك إلا قصدا له ثم كذلك دعاؤهم له فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب في عقيدة الموحدين صفحة 46 و100. Le Cheikh Sanaan, il dit dans Tathir al-I'tiqad, il dit quoi? À propos de ceux qui disent, il argumente, en fait, il discute avec un mushrik, avec un adorateur de tombe. Il lui dit, si cette personne, il te dit, j'ai sacrifié pour Allah. Et lorsque je sacrifie près des tombes, je sacrifie au nom d'Allah. Tu lui demandes, si ce sacrifice, il est réellement pour Allah, pourquoi tu es allé le faire à la porte de cette tombe? Et à la porte de la tombe de celui que tu préfères et en qui tu crois. Est-ce que tu as voulu lui faire une preuve de respect? Est-ce que tu as voulu lui donner une preuve de respect, de ta'zim, de respect et de dévotion? C'est une forme de dévotion. S'il dit oui, alors dis-lui, ceci c'est réellement le sacrifice pour un autre qu'Allah. Et tu as associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu n'as pas voulu faire preuve de dévotion, qu'est-ce que tu as voulu faire? Tu as voulu salir la porte de ce tombeau. Tu as voulu le rendre impur pour les gens qui y vont, c'est-à-dire en répandant du sang devant. Hein? Et il lui répond, il lui dit, et tu sais avec certitude que tu n'as pas voulu cela. Et tu n'as voulu que le premier. Et tu es sorti de ta maison avec cette intention-là, c'est-à-dire pour sacrifier pour un autre qu'Allah, pour commettre le shirk. Et ce que font cela est du shirk, sans aucun doute. Et ça c'est dans Aqidat al-Muwahhidin, à la page 146, Aqidat al-Muwahhidin. C'est un livre qui rassemble plein de rasa'il, d'épîtres du tawhid, de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, de ses petits-enfants, de Sam'ani et d'autres. C'est pour montrer que, aujourd'hui, les mushrikin, Ubbad al-Qubur, ils vont argumenter à la personne. Parce qu'ils connaissent les arguments des muwahhidin, ils connaissent les arguments de ceux qu'ils appellent al-Wahhabiyya. Ils connaissent leurs arguments. Et les murji'a, Et le mujahidin an al mushrikin, ceux qui argumentent en faveur des mushrikin et qui ne veulent pas faire leur takfir. Et le mot murji'a est trop doux pour eux, en fait, c'est bien pire que des murji'a. Les gens qui les défendent, ils vont dire non, ces gens-là, c'est vrai, ils vont faire ça près des temples, mais c'est pas pour les adorer. D'accord? Pourquoi ils font ça alors? Pourquoi on les voit? Pourquoi ils sacrifient près des temples qui sont, où il y a des constructions sur eux? Pourquoi ils sacrifient près des arbres? Pourquoi ils cherchent la bénédiction de certains arbres, etc., etc., si c'est pas une adoration? À propos du sacrifice pour un autre qu'Allah, le Cheikh Ali al-Khudair dit dans son livre Al-Wasit, fi sharhi awwal risala majmu'at al-tawhid, safhat 64, il dit, rahimahullah, hafak Allah asra wa hafidahullah, wa idha dhabaha lillah, hadha tawhid, afrad Allah bihadhi al-ibada, wa didduhu an yadhbaha lighayrillah. Amin amthilati dhalik. Le Cheikh Ali al-Khudair dit, qu'Allah le libère, il dit, si sacrifier pour Allah, cela est du tawhid. Il a unifié Allah par cette adoration. Lorsque tu te sacrifies, même pour manger, et tu sacrifies au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les conditions qui ont été déduites du Coran et de la Sunna, tu sacrifies le jour de Eid al-Adha, tu sacrifies pour Al-Aqiqa, tu sacrifies pour ces choses-là, tu as fait une adoration envers Allah. Tu as tué cet animal en prononçant le nom d'Allah selon la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une adoration. Tu seras récompensé pour cela. Et le contraire de cela, c'est sacrifier pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les exemples, il en a plusieurs. Le premier, Alif Surat al-Ula, كَذَّبْحِ لِلْأَوْلِيَاءِ الْمَقْبُورِينَ فَيَأْتِي بِذَبِيحَتِهِ وَيُرِيقُهَا عِنْدِ قَبْرِهِ لَهُ. La première question, c'est quoi? C'est ceux qui sacrifient pour les saints, pour l'awliya, pour les saints dans leur tombe. Et il vient avec son sacrifice et il fait couler le sang près de la tombe. C'est ce qu'a cité San'ani précédemment. Ce sacrifice-là, c'est le sacrifice des adorations de tombe, al-mushrikin, al-juhal. Et c'est ce qu'ils font dans beaucoup de pays islamiques à notre époque. À Fouad. Un grand nombre. Bah, sourate al-thaniya, al-dhabhu lil-jinn. Limadha? Likay yakuffu sharrahum, al-la yu'dhuh, ou yakhruju min atfalihi wa ahlihi wa nafsi wa nahwih. Hadha shirkun akbar, li'annahu dhabhu li-ghayrillah. La deuxième sorte, le sacrifice pour les djinn, comme il a cité, sur Muhammad, à la génération d'Islam. Pourquoi? Afin qu'ils protègent ou qu'ils arrêtent de faire du mal à la personne. Hein? Ou qu'ils sortent, par exemple, de ses enfants qu'ils possèdent, ou de sa femme, ou de lui-même. Et tout cela est du shirk akbar, du shirk majeur. Car tout cela, c'est sacrifié pour un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. السورة الثالثة وهي قضية معاصرة. La troisième sorte, c'est quelque chose qui est contemporain. Ça arrive à notre époque. Ça arrivait déjà dans les époques précédentes. وهي الذبح للملوك والرؤساء عند طلعتهم وقدومهم أمامهم إما تعظيما لهم أو لكي يكسب رضاهم أو شيئا من أموالهم. والحكم مناط بالذبح لهم عند طلعتهم بغض النظر ما في عن ما في اعتقاده. والمقصود أن يذبح لهم أن يريق الدم أمامهم أو عند طلعتهم وهذه تسمى الذبح عند قدوم السلطان فإذا مر السلطان ذبح فتكون إراقة الدماء مرتبطة بقدومه أو مروره. La troisième sorte, c'est une question contemporaine, ça arrive à notre époque dans certains pays, وعياذ بالله, c'est le sacrifice pour les rois et les présidents. Quand ils viennent dans une ville, pour leur montrer leur dévotion et leur respect, quand le roi il descend ou il passe sur cette route, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là avec leur dhabiha, ils sont là avec leur bête et ils la sacrifient devant lui pour lui montrer, pour montrer le respect qu'ils ont. Ça se fait dans certaines royautés. Allahu a'lam fil Urdun, en Jordanie, je crois que ça se fait. Sismo, ça c'est du shirk akbar. Ces gens-là, ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, on ne regarde pas ce qu'il y a dans leur croyance comme ils considèrent Al-Murji'a ou Al-Jahmi à notre époque. On ne regarde pas leur i'tiqad, qu'est-ce que tu penses, quoi que ce soit. Non. Nous, on le voit faire couler le sang au moment où le sultan passe. D'accord? Et il dit ensuite le Cheikh, وَذَكَرَ الشَّيْخ سُلَيْمَانِ ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab فِي كِتَابِ التَّيْسِيرِ فِي بَابِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَنَّ هُنَاكَ مِنَ الْعُلَمَاء مَنْ أَفْتَى بِتَحْرِيمِهِ وَأَنَّهُ مِمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Il dit, et le Cheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans son explication de Kitab al-Tawhid, Taysir al-Aziz al-Hamid, au chapitre du sacrifice pour un autre qu'Allah, il a dit qu'il y a des ulama, c'est les ulama de Bukhara, de la ville de Bukhara au Tadjikistan à l'époque, qui ont fait une fatwa sur l'interdiction de cette chose-là. C'est-à-dire que ça se faisait à son époque. Et que ça fait partie des choses qui sont sacrifiées pour un autre qu'Allah. C'est-à-dire, la bête, elle devient haram. On n'a plus le droit de la manger. Et il dit le Cheikh ensuite, Ali al-Khudair, وَهَذَا مِنْ أَعْظَمُ وَهَذَا مِنْ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَقَوْلُهُ مِمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ قَرِينَةٌ عَلَىٰ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهَا أَنَّهَا عِبَادَةٌ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ اللَّهِ. Ceci est un sacrifice pour un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. الثاني يعني الناقد الثاني la deuxième annulation de l'islam. On a fini pour la première, inshallah. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que le shirk et les différentes formes de shirk, de toute façon, les questions du tawhid et les questions du shirk et les différentes sortes de ibada, il n'y a pas de meilleur livre sur ce sujet-là que le livre en Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. C'est le livre le plus complet, livre du monothéisme. C'est le livre qui renferme le plus de dalil. C'est un livre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a mis une baraka. Et c'est un livre qui peut être étudié pendant des années. C'est-à-dire que la personne, chaque fois, et je parle par expérience, chaque fois qu'il va étudier ce livre et qu'il va lire un commentaire différent de ce livre, il va trouver des fawa'id. Il va trouver de nouvelles sciences, de nouvelles choses qu'il n'avait pas compris, que ça soit dans les dalil ou que ça soit dans le tabwib, dans les chapitres qu'a mis l'auteur, ou que ça soit dans le masail, les questions, les points traités à la fin du chapitre. Et dans ce livre-là, il y a un bab al-zabhu li ghayrillah. Il y a un chapitre sur le sacrifice à un autre qu'Allah. Un chapitre khas. Et bien sûr, il a des commentaires comme Taysir al-Aziz al-Hamid, le premier commentaire écrit du Cheikh Sulaiman ibn Abdullah, ou Fath al-Majid, Shah Kitab al-Tawhid du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui est un résumé de Taysir al-Aziz al-Hamid, et d'autres comme Qurrat Uyun al-Muwahidin, ou comme Hashiyat Kitab al-Tawhid d'Ibn al-Qasim, rahimahumullahu ta'ala. الناقد الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Deuxième annulation de l'islam, celui qui met entre lui et Allah des intermédiaires. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم. Celui qui met entre lui et Allah des intermédiaires, qu'il invoque, et auquel il demande l'intercession, et en qui il place sa confiance, kafara ijma'an, il a mécru à l'unanimité, ijma'an. Je le dis parce qu'il y a certaines personnes, min ahl al-bid'i wa al-dalal, parmi jahmiyat al-zaman, qui essaye de remettre en cause cette deuxième annulation de l'islam. Celui qui met entre lui et Allah des intermédiaires, qui les invoque, qui leur demande l'intercession, qui place sa confiance en eux, il a mécru à l'unanimité. وهذا الناقد من أكثر النواقد وقوعا وأعظمها خطرا على قليل العلم والبصيرة. لأن كثيرا من يتسمى باسم الإسلام وهو لا يعرف الإسلام ولا حقيقته قد جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم لكشف الملمات وإغاثة اللهفات وتفريج الكربات وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين وهم بزعمهم الفاسد لا يسألون الله مباشرة تعظيما منهم لله بزعمهم وتحقيرا لأنفسهم ويقولون إن الله لابد له من واسطة بيننا وبينه تقربنا إليه وترفع حوائجنا إليه كما أن الملك من ملوك الدنيا لا يسأل إلا بواسطة الحجاب والوزراء والله أولى بذلك بزعمهم من الملوك فهم والعياذ بالله شبهوا الله الكامل العظيم بالمخلوق الناقص العاجز المحتاج ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. Cette annulation de l'islam est extrêmement répandue. Et elle est extrêmement dangereuse pour les gens qui ont peu de science et de clairvoyance. Et beaucoup de gens qui se prétendent de l'islam et qui ne connaissent pas l'islam et qui ne connaissent pas la réalité de l'islam ont mis entre eux et Allah des intermédiaires qu'ils invoquent pour les tirer de leurs difficultés et pour leur donner le secours et l'aide en cas de calamité. Et ces gens-là sont des mécréants, des kuffars, à l'unanimité des musulmans. Et c'est quoi leur argument? Les arguments de ces mouchriquins? Les arguments de ces mouchriquins, ils disent quoi? Ils disent, c'est par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'on prend des intermédiaires avec lui. Et ils comparent Allah, ils disent les rois de ce monde. Tu ne peux pas t'adresser directement au roi. Tu es obligé de t'adresser à quoi? À sa cour, à ses ministres, aux gens qui sont autour de lui. Et là, ils ont fait ressembler Allah Azza wa Jal, qui est le créateur, le tout-puissant, à ses rois indigents et faibles parmi les rois de cette dunya. Et ceux qui font cela, ils sont des kuffars à l'unanimité. Et on va citer l'Ijma. Et Allah, il a parlé de ces gens dans le Coran, particulièrement dans Surat Yunus, le verset 18. Surat Yunus, le verset 18. Parce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, est-ce que vous informez Allah de ce qu'il y a de ce qu'il ne sait pas dans les cieux ou sur la terre? Subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui le Très-Haut, amma yushrikun. Hein, par rapport à ceux qu'ils associent. C'est-à-dire ici, il a montré que cela c'était du shirk. Annahu min ash-shirk al-akbar. Ça, c'est le verset 18 de Surat Yunus. Vous y reviendrez, inshallah. De même, le verset 3 de Surat al-Zumar. Surat al-Zumar. Le verset 3, il est encore plus clair. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Ala lillahi ad-din al-khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Et c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Et ceux qui ont pris en dehors de lui des alliés disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire les mouchriquins, ce verset il montre que les mouchriquins, comme il dit, on va citer la parole d'Ibn Kathir, ils ne font cela que quoi? Que pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là on parle de qui? On parle des mouchriquins de Quraysh. On parle des mouchriquins à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'Abu Jahl et compagnie. Comme il dit Ibn Kathir, rahimallahu ta'ala, ثم أخبر تعالى عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما نوبهم من أمر الدنيا فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. Il dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Allah le Très-Haut nous a informé à propos des adorateurs d'idoles et des statues de Quraysh, qu'il disait, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. C'est-à-dire, ce qui les a poussés à cette adoration-là, c'est qu'ils ont pris des statues, qu'ils ont pris à l'image des anges qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ils ont adoré ces statues. D'accord? à la dans pour adorer les anges en fait. Ce qu'ils adoraient, c'est les anges. Ils adoraient ces statues sous les formes des anges. Et ils les ont adorés pourquoi? Pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah, dans leur secours et dans leur subsistance. C'est-à-dire, ce qu'ils voulaient, c'était quoi? Al-Shafa'a. Hein? Ils voulaient At-Taqarrub ila Allah. Ils voulaient quoi? Qu'ils les rapprochent d'Allah. C'est-à-dire que les mouchrikines, contrairement à ce qu'ils croient, les ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient qu'Allah, il existait. Et qu'à la fin, tout revenait à lui. Mais ils prenaient juste des intermédiaires entre eux et Allah. Pour qu'ils les rapprochent d'Allah. Et il dit, Qatada, As-Suddi et Malik, ils ont dit, pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, pour qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah. Donc tout ça, c'est une question de shafa'a, d'intercession. Et c'est exactement ce qu'ils disent les mushrikines à notre époque parmi les adorateurs de tombes. Pour eux, tout est une question d'intercession, de shafa'a. Lorsqu'ils vont adorer les tombes, ils adorent les pieux. Pourquoi? En disant ces gens-là, ils vont intercéder pour nous auprès d'Allah. Ou même ils adorent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion d'Abu Djahl, elle est revenue dans la communauté de Mohammed. C'est-à-dire que les gens, ils disent la ilaha illallah, etc., mais ils pratiquent la religion d'Abu Djahl et d'Abu Lahab. Qala le cheikh l'islam, Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Taymiyyah, il a dit, Man ja'ala al-mala'ikata wal-anbiya'a wasa'it, yad'ouhum wa yatawakkalu alayhim, wa yas'aluhum jalb al-manafi' wa daf' al-madar. مثل يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. ابن تيمية رحمه الله il a dit, celui qui prend les anges et les prophètes comme intermédiaires, qui les invoque, celui qui prend les anges et les prophètes comme intermédiaires, qui les invoque, qui place sa confiance en eux, qui leur demande un bien, ou qui leur demande de repousser un mal, comme celui qui leur demande le pardon des péchés, la guidée des cœurs, la richesse après la pauvreté. Les mécréants à l'unanimité des musulmans. Ce ijma', on le trouve dans Majmou' al-Fatawa, le Mujallad al-Awwal, safha 23 ou 100, dans Majmou' al-Fatawa, le volume 1, la page 123. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله تعليقا على هذا الإجماع وهو إجماع صحيح معلوم من الدين بالضرورة في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد صفحة 25 و200. Et après qu'il ait cité ce ijma', le Cheikh Sulaiman ibn Abdullah, dans son explication du Kitab al-Tawhid, du livre du Tawhid, il dit, ceci est une ijma', est une unanimité authentique, qui est connue de la religion par nécessité. C'est dans Taïsir al-Aziz al-Hamid, dans la page 227. Comme le disent certains de mes cheikhs, à notre époque, Allah, Cheikh al-Mouahidin, comme quoi ce ijma'a-là qu'on vient de citer, c'est un ijma'a comme quoi ces gens-là, ils ne sont pas excusés par l'ignorance. Et maintenant, les ulama n'ont pas évoqué l'udhr bil-jahl dans cet ijma'a. Et ils ont dit, faqad kafara ijma'an, wa lam yastathnou. Ils n'ont pas fait d'exception. Pour l'ignorant, le savant, le quoi que ce soit. Celui qui fait cette chose-là, qui prend les intermédiaires avec Allah, c'est un mushrik kafir. Qu'il soit jahil, muta'awwil, muqallid, et on le verra à la fin, l'explication des annulations de l'islam. Le cheikh Mansour al-Bahouti al-Hambali, rahimahullah ta'ala, il dit, Mansour al-Bahouti al-Hambali, il dit, rahimahullah, rapportant ce ijma', wa qala, أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا أي كفر لأن ذلك كفعل عابد الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الشيخ منصور البهوتي الحنبلي parmi les grands savants du madhhab de l'imam Ahmed, il dit, celui qui met entre lui et Allah des intermédiaires, qui place sa confiance en eux, qui les invoque, qui leur demande un mécru avec l'ijma'. Il dit pourquoi, il explique pourquoi, il dit, لِأَنَّ ذَلِكَ كَفِعْلِ عَابِدِ الْأَصْنَامِ. Car cela, c'est l'acte des adorateurs d'idoles. C'est l'acte des adorateurs des statues, c'est-à-dire des mouchriquins, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dans un livre de fiqh, au chapitre de l'apostat, qui s'appelle كَشَّافِ الْقِنَاعِ عَنْ مَتْنِ الْإِقْنَاعِ الْمُجَلَدُ السَّادِسِ عَفْوًا صَفْحَةَ 68 ou 100. Alors, volume 6, à la page 168. Sharh l'Iqna' de l'Al-Babouti. الناقد الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. La troisième annulation de l'islam, celui qui ne rend pas mécréant les mushrikins, ou qui doute de leur kufr, ou qui authentifie leur voix, dans le sens où il authentifie leur din, leur shirk, ou leur kufr. أي الناقد الثالث من نواقد الإسلام من لم يكفر المشركين الذين كفرهم وشركهم ظاهر بين فهو كافر لأن الله تعالى كفرهم في كتابه وعلى لسان رسوله فلا يحكم بإسلام المرء حتى يكفر المشركين فإن شك أو تردد أو قال ما علي منهم بعد تبيين كفرهم له فهو كافر مثلهم. La troisième annulation parmi les annulations d'islam, celui qui ne rend pas kafir le mushrikin, dont la mécréance et l'association sont claires. Celui-là est un mécréant. Car Allah Ta'ala les a rendus mécréants dans son livre et sur la langue de son prophète. On ne considère pas la personne musulmane jusqu'à ce qu'il rende mécréant les mushrikin. S'il doute ou hésite, vous dit, je n'ai pas rien à voir avec eux, c'est-à-dire je ne suis pas concerné. On a vu dans le tarot. Hein? Il dit, ça ne me concerne pas ces choses-là. بعد تبيين كفرهم له فهو كافر مثلهم. Après que leur mécréance lui a été expliquée, il devient kafir comme eux. Il devient kafir comme eux. On va détailler. Cette annulation de l'islam, elle est liée à une question qu'on a déjà traitée, qui est le kufru bit-taghut. La première chose qu'Allah nous a ordonnée, comme on l'a vu à la fin de l'usul al-thalatha, c'est le kufru bit-taghut. Awwal ma yajibu 'ala al-'abd, le kufru bit-taghut wa l'iman billah. La première chose qu'il est obligatoire pour le serviteur, c'est de croire au taghut et croire à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et on a vu que parmi le fait de mécroire au Tarot, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il avait dit, أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. Cinq choses. Que tu crois à la nullité de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que tu le délaisses, que tu le détestes, que tu rendes mécréant, en tout cas, faire ahlaha, tu rends mécréant les gens qui adorent le tarot, qui adorent d'autres qu'Allah, wa tu'adihim, et que tu les prends en inimité. Voilà, c'est la quatrième chose qui a été enfreinte ici. La personne, il rend pas kafir al-mushrikin. Celui qui ne rend pas kafir al-mushrik, al-bayyin shirku wa kufru, al-mujma alay, fahuwa kafir, lam yakfur bit-tarot. Celui qui ne rend pas mécréant al-mushrik, dont la mécréance est claire, avec les conditions qu'on va citer, il n'a pas mécru au tarot. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى وهذا يبين حال هذا الرجل أنهم لم يعرف لا إله إلا الله ولو عرف معنى لا إله إلا الله لا عرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت في الدرر الثانية المجلد الحادي عشر صفحة 23 و500. Le Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan, il explique ce qu'on vient de citer, il dit, en parlant d'un homme, d'un innovateur, je pense que c'est Othman ibn Mansour, un innovateur mushrik kafir, il dit, cela nous montre l'état de cette personne, de cet homme, qui ne connaît pas le sens de la ilaha illallah. Et s'il avait connu le sens de la ilaha illallah, il aurait su que celui qui doute ou hésite sur la mécréance de ceux qui associent avec Allah, n'a pas mécru au tarot. Je répète, la arafa anna man shakka aw taraddada fi kufri man ashraka ma Allahi ghayra annahu lam yakfur bit tarot. Que celui qui doute ou hésite sur la mécréance de celui qui associe avec Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas mécru au tarot. C'est dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 11, la page 523, de la 5e édition, Tamatul Khamsa. il fait partie de le kufr bit-taghut, il fait partie du sens de la ilaha illallah, de faire takfir al-mushrikin. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de Ibrahim alayhi salam, il qala li qawmihi inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ay i'taqadna kufrakum wa bada baynana wa baynakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Lorsque Ibrahim, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, nous a cité l'exemple d'Ibrahim alayhi salam dans le Coran, dans sourate Al-Mumtahana, lorsqu'il dit à son père et à son peuple, Inna bura'a'u minkum, nous vous désavons de vous d'abord, de vos personnes, des mushrikines, wa mimma ta'buduna min dunillah, et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Kafarna bikum, hein, nous avons mécru en vous, c'est-à-dire nous avons cru que vous êtes des kuffar, et i'taqadna kufrakum, nous avons cru votre kufr. Wa bada baynana wa baynakum al'adawata wal baghdha, et entre nous et vous, l'inimité et la haine ont commencé à jamais. Hatta tu'minu billahi wahda, jusqu'à ce que vous croyez à Allah seul. Tout cela, ça fait partie de al-kufr bit-taghut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le hadith alladhi rawahu muslim, fi sahihi, man qala la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Celui qui dit la ilaha illallah, et qui a mécru à ceux qui adoraient en dehors d'Allah, il a son sang et ses biens deviennent sacrés et son tout compte est auprès d'Allah. Ce hadith est rapporté par Muslim dans Kitab al-Iman, le numéro 23. Et il est cité dans le sixième bab de Kitab al-Tawhid avec l'explication de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et les ulémas des salaf ou les mutaqaddimin, ils ont parlé de cette annulation de l'islam. Par exemple, dans un cas qui est malheureusement répandu à notre époque, قال الشيخ محمد الإمام محمد بن سحنون رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن الشاتم النبي صلى الله عليه وسلم متنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر فصار من المسلول ابن تيمية صفحة السبعة صفحة السابعة محمد بن سحنون parmi les plus grands imams du madhhab maliki, il a dit, rahimahallahu ta'ala, les ulémas sont unanimes que celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui le dénigre est un kafir et qu'il est exposé à la menace d'Allah, au châtiment d'Allah, et son jugement dans cette communauté est la mort, la peine de mort. Quant à celui qui doute de sa mécréance ou de son châtiment, il a mécru. Et ça c'est dans Sarim al-Masloul d'Ibn Taymiyyah à la page 7. Ça veut dire que les salafs pratiquaient cette annulation, la troisième annulation de l'islam, et rendaient mécréant celui qui ne rend pas mécréant, par exemple celui qui insulte le prophète. C'est extrêmement répandu à notre époque. Et malheureusement, il y a certaines sectes, parmi le Jahmiya, Jahmiya al-Zaman, qui ne rendent pas mécréant celui qui insulte Allah ou qui insulte son prophète. Et on voit ça comme un signe de mécréance, on a déjà parlé d'eux dans le Muqaddimah. Demain, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, fi man sabba as-sahaba, sur celui qui insulte les compagnons, c'est-à-dire al-rafida, al-mala'in, قال, amma man iqtanana bi sabbihi da'wa, anna aliyan ilah, wa annahu kana huwa an-nabi, wa innama ghalata jibrilu fi ar-risala, fahada la shakka fi kufri, bal la shakka fi kufri man tawaqqafa fi takfirih. في صارم المسلول صفحة 20 و400 من طبعة دار الكتب العلمية. ابن تيمية رحمه الله il a dit sur celui qui insulte les sahaba, quant à celui qui insulte les compagnons et qui ajoute le fait de prétendre que Ali est un adoré, est un ilah, ou qu'il était un prophète et que Jibril s'est trompé dans le message, c'est ce qu'ils disent certains roulat al-rafida comme al-Nusayri al-Batini, c'est ce qu'ils disent certains. Que soit Ali c'est une incarnation de Allah, ou l'Iyadou Billah, donc voilà, c'est que Allah s'est incarné dans Ali, halla fi Ali, ahl al-hulul, comme disent les chrétiens. Oui, disent que le prophète sallam, que Jibril s'est trompé, qu'il voulait venir la donner la révélation à Ali, qu'il s'est trompé, il l'a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu an Ali. L'essentiel, ces gens-là, Ibn Taymiyyah a dit à propos de cela, il n'y a pas de doute que ce sont des kuffars sur leur mécréance. Mais il n'y a pas de doute sur la mécréance de celui qui ne les rend pas mécréants. Ou qui s'abstient de faire leur takfir. Takfir. Ça, c'est dans Salim Nusu, la page 420. Que dire alors des gens qui considèrent Rafida comme étant leur frère, ou qui refusent de faire leur takfir, ou qui pensent qu'il faut s'allier avec l'Iran, je sais quoi, contre le sionisme ou quoi que ce soit, ou Aliyadu Billah. Tabban lahum. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, in yaquluna illa kadhiba. Ce naqd, pour le comprendre, il faut comprendre plusieurs choses. Ici, on ne parle pas de l'mu'ayyan, on ne parle pas de la personne en particulier, du fait de faire takfir sur une personne en particulier. À chaque fois, on parle de tawa'if, de celui qui insulte le prophète, quoique dans ce cas-là, on peut parler aussi du particulier. De celui qui doute, non, de celui qui doute de la mécréance de celui qui insulte le prophète. Le premier, il n'y a pas de doute. On parle de al-rawafid al-ghaliya, rafid al-batiniya, des gens qui disent que Ali c'est Allah, ou qui adorent Allah avec Ali, ou liyadoubillah, ou ça, qui adorent Ali avec Allah, subhanahu wa ta'ala, ou ce genre de personnes. Donc, il faut que le kafir, dont la personne s'abstient de faire la mécréance, de trois choses. Soit, c'est un kafir asli, yahoudi, ou nasrani, ou bouddhi, c'est un juif, ou un chrétien, ou un bouddhiste, quoi que ce soit, il refuse de faire son takfir. Hada kafir. La shakka fi kufri. Celui qui refuse de faire takfir sur les juifs, les chrétiens, c'est un kafir. La shakka fi kufri. Thaniyan, al kafir al muntasibu ila l'islam. Deuxièmement, le kafir qui se prétend de l'islam. إذا كان كفره مجمع عليه إجماعا قطعيا كعباد القبور والمشرعين مع الله ومن مثلا سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الله أو من قال أن علي إله كالرافضة فمن شك في كفرهم فهو كافر. Celui qui doute de la mécréance de gens dont la mécréance fait unanimité, dans la cité des unanimités, comme les adorateurs de tombes, Ubad al-Qubur, comme ceux qui légifèrent avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme al-Rafidatul Ghali, al-Shiite, extrémistes, ceux qui disent que Ali est un ilah, est un adoré, qui adore Ali, celui qui doute de leur coffre. Parce que tout cela, toutes ces questions-là sont des questions de ijma', clairement dans le Coran, le Sunna wal ijma'. Chacun fait couvrir une fois kafir. Celui qui s'abstient de faire leur takfir, qui doute, au taraddada, fahuwa kafir. Il est kafir. Lam yakfur bit taghut. Comme l'a dit le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Qal Cheikh Abdurrahman Hassan kadhalik. Fala yatimmu li ahli at-tawhid tawhiduhum illa bi'tizali ahli ash-shirk wa adawatihim wa takfirihim. في الدرر الثانية المجلد الحادي عشر صفحة 34 و400 للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يجي التوحيد des gens du tawhid ne sera pas complet tam tant qu'ils ne seront pas séparés des gens du shirk qui les auront pris comme ennemis et qu'ils auront fait leur takfir tant qu'ils ne seront pas séparés des gens du shirk qui les auront pris comme ennemis et qu'ils auront fait leur takfir. C'est dans Durar al-Saniya, qui rassemble donc les Rassel des Ulema de Najd. Le Mujallad al-Hadi Ashar, volume 11, Mukhtasarat al-Rudud, la page 434. Le Cheikh Abdallah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, قال: فمن قال إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معه ما شيء، أو قال من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر لأن قائل هذا مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين الدرر الثانية المجلد العاشر صفحة 50 و200. Le cheikh Abdallah ibn Muhammad Abdul Wahhab, il explique cette question-là, expliquer ce naqd de cette annulation. Il dit, celui qui prétend que la prononciation des deux témoignages, que celui qui prononce les deux témoignages, la yadurru ma'ahuma shay. Celui qui prononce les deux témoignages, en clair, il ne sort pas de l'islam. D'accord? C'est ça qu'il dit. Celui qui prétend cela, ou qui dit, celui qui fait les deux témoignages, qui prie et qui jeûne, il n'est pas permis de faire son takfir. Et il remet en cause le takfir. Même s'il adore un autre qu'Allah, cette personne qui dit cela, c'est un kafir. Ça, c'est une croyance de kofr. Il n'a pas fait le kofr de Tarou. Et celui qui doute de son kofr, c'est aussi un kafir. Car celui qui dit cela a démenti Allah, a démenti son messager et a démenti l'unanimité des musulmans, ijma' al-muslimin. Vous avez compris? Celui qui... Il renie le takfir en fait. Il dit qu'on n'a pas le droit de faire takfir les gens de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Même s'ils adorent les tombes, même s'ils invoquent d'autres qu'Allah, sacrifient pour un autre qu'Allah, et toutes les annulations qu'on va voir. Cette personne-là, il est kafir. Ça, c'est dans Dora al-Saniya, le volume 10, la page 250. Et pour finir, قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب يعني ابن الشيخ عبد الله سابق ذكر رحمهم الله سبحان الله هذه سلسلة العلم والهدى والتوحيد والسنة رحمهم الله il dit le Cheikh Suleyman c'est le fils de celui qu'on vient de citer précédemment سبحان الله le fils du Cheikh عبد الله c'est-à-dire le petit-fils de محمد بن عبد الوهاب il dit رحمه الله تعالى فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بنيت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفره فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر وهذا في رسالة أوثق عور الإيمان في مجموعة التوحيد موجودة وفي الدرر الثانية المجلد الثامن صفحة 60 و100. Le Cheikh Suleyman ibn Abdillah il dit, quant à celui qui doute de leur mécréance, c'est-à-dire de la mécréance des mouchikis, il doute de leur mécréance, ou qui ignore leur mécréance, il ignore leur mécréance, il ignore leur mécréance, qu'est-ce qu'on fait? On lui explique les preuves du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les preuves de leur mécréance. S'il doute après cela, ou hésite, il est un kafir à l'unanimité des ulama. Que celui qui doute sur la mécréance du kafir, c'est un kafir. Ça, c'est dans une risala qui s'appelle Othaqa al-Iman, qui fait quelques pages sur le Wala al-Bara. La'allana naqra'aha. Peut-être qu'on l'étudiera un jour, Inch'Allah. Et dans, c'est dans Dora al-Saniya, le volume 8, la page 160. Toujours de la 5e édition. Taïb. Donc ici, on a le cas de l'ignorant. On se précipite pas. On lui explique les preuves. Il refuse de faire le takfir de Ubad al-Qubur. Il refuse de faire le takfir de l'Hukam al-Tawadit al-Mushabi'i. Il refuse de faire le takfir de al-Rafida, le chiite. Hein? Al-Murtaddin, on lui explique les preuves du Coran et de la Sunna. On lui clarifie. Si après il ne veut pas cela, il nous dit le Cheikh Suleyman, rahimahullah, c'est un kafir. Quant à ceux qui seraient mécontents du fait qu'on cite ici et souvent que les savants du Najd, les savants du Najd, et ce livre grandiose qui s'appelle « Durar Saniya fil Ajwab Najdi » alladhi mannallahu alayna nishtaraynahu fi sanat 2005 fima adhkur fi medinat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fanakoulu lahu haoula immatu sunnah wa immatu al-tawhid. فليأتونا بعلمائهم وأئمتهم فنحن الحمد لله كفانا بهؤلاء الأئمة قدوة لنا في التوحيد وفي العمل به وفي الهجرة والجهاد رحمهم الله تعالى. Attends, celui qui serait pas content du fait que On apporte souvent la parole des ulémas du Najd, et aussi trop souvent à Dora al-Saniya. On dit qu'Alhamdulillah, Allah, il a fait un grand bienfait à l'Abd al-Da'if, qui lui a permis d'acheter ce livre grandiose, Dora al-Saniya, dans l'année, je me souviens plus si c'est 2004 ou 2005. Et depuis, ce livre ne nous a pas quittés, malgré le fitan ou l'intiqalat. Et Alhamdulillah, Rabbil Alameen, c'est Aïma Tenejde, on parlera d'eux, Inch'Allah, dans un dars khas, M. Mohamed Abdelwahab, de sa da'wa, de ses enfants, de ses petits-enfants. Ils nous suffisent comme ulama, ils nous suffisent comme exemple. Et ils ont non seulement écrit le tawhid théoriquement dans leur livre, mais ils l'ont mis en pratique. Et ils l'ont mis en pratique, et ils ont attiré l'inimitié des mouchriquins. Et le Cheikh Souleyman, pour citer celui qui vient de citer, il a été tué par al-mouchriquine devant un cimetière après qu'il les ait joués de la musique pour l'énerver par les armées al-murtaddin, Jouyouch al-Kufr wa al-Shirk wa al-Ridda, Jouyouch Ibrahim Bacha, la'anahullah, al-Masouni al-Khabith. Hein, quand l'armée, l'État ottoman, Kafir, a envoyé les armées égyptiennes pour combattre la da'wa du Najd et qu'ils ont détruit al-Dir'iyya, ils ont pris le Cheikh Souleyman ibn Abdillah, celui dont on vient de citer la parole, et ils lui ont joué de la musique pour l'énerver avant de le fusiller devant un cimetière. Et ça, c'est une personne qui non seulement a écrit le Tawhid, son commentaire de Kitab al-Tawhid nous est resté, Taysir al-Aziz al-Hamid, et c'est une personne qui a appliqué le Tawhid, et qui pour cela s'est attiré l'adawa, l'inimitié des mouchriquins. Alors qu'ils gardent eux leurs chouïours contemporains, leurs philosophes, leur ashaira, leur mubtadi'a, et nous on restera avec le Dora al-Saniya, Inch'Allah, hatta namut ala dhalik. Bi'idhnillah ta'ala, aqulu qawli hadha, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in,